à refuser l'injustice. Et que les trois moyens de refuser l'injustice, c'est par les actes. Si on ne peut pas, au moins par la parole, s'élever et dire qu'on n'est pas d'accord, et au moins le refuser en son for intérieur. Donc voilà, je voulais dire que refuser la misère, c'est justement refuser l'injustice. Cette injustice, elle se traduit par quoi? Par des chiffres. Aujourd'hui, on a 6 millions de personnes qui meurent de faim dans le monde. C'est les chiffres du PAM, du Programme alimentaire mondial, dont 3 millions d'enfants. Et ça, c'est uniquement les personnes qui meurent de faim. C'est même pas les personnes qui meurent des conséquences de la malnutrition, etc. Il y a plein de chiffres. Il y a aussi des chiffres qui nous disent qu'un cadre de 35 ans va vivre plus longtemps qu'un ouvrier ou un chômeur du même âge. Ces chiffres, ils sont utiles pour se rendre compte de la situation. Mais le problème avec eux, c'est qu'on oublie le côté humain et les conséquences concrètes de la misère dans le quotidien de chaque individu. C'est-à-dire que nous, on en parle, mais ce que j'aurais aimé, c'est que des personnes qui vivent la misère tous les jours puissent en parler pour qu'on comprenne. Voilà, il y a Sébastien, il y a Clément, mais ça, c'est le plus intéressant, je pense, parce que moi, honnêtement, je me sens pas super légitime pour en parler. On m'a invité, donc c'est toujours bien d'en parler, et c'est aussi bien parce que on va échanger, que ça va m'apprendre aussi à moi. Voilà, ce que je voulais dire aussi, donc, c'est que on oublie le côté humain. Ce qui se traduit, c'est une détresse sociale, un sentiment aussi de non-dignité. C'est-à-dire que même si on entend souvent les gens dire on meurt pas de faim en France, c'est pas que ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que ça met les personnes dans une relation où ils doivent demander, voilà, ils perdent, les gens qui sont dans la rue, le problème avant tout, c'est qu'ils perdent leur dignité. Comme disait Patrick, on peut être pauvre, mais la misère, on perd sa dignité. Ces chiffres aussi, le problème, c'est qu'on oublie les causes. Parmi ces causes, il y a justement l'indifférence. Quand on parle aux gens qui sont dans la rue, on entend souvent, voilà, j'ai entendu tout à l'heure, il y a des gens qui boivent des cafés à 2 euros à côté de personnes qui meurent de faim à côté. Nous, en attendant que la société change, ce qu'on essaye, c'est de casser ce processus d'indifférence en allant vers les gens. Donner de la nourriture, faire des maraudes, au final, c'est juste un moyen pour lutter contre l'exclusion sociale, aller vers les gens. Voilà, même si on ne peut pas changer, même si ça ne change rien à la société, au moins essayer, je pense que tous, à notre niveau, on peut casser ce processus d'exclusion sociale en allant vers les gens, ne serait-ce que leur parler, demander comment ça va. Voilà, nous, la nourriture, c'est juste un moyen d'aller vers les gens et c'est tout. Même si ça fait plaisir aussi aux gens de recevoir quelque chose, mais on est mal à l'aise face à cette situation où on donne et où on ne devrait pas avoir à le faire, en fait. C'est pas. On solutionne rien au final. On casse un petit peu un processus à notre niveau. Je voulais parler du droit à l'alimentation parce qu'on nous rabâche quand même pas mal les oreilles avec les droits de l'homme et on est censé être le pays des droits de l'homme. Parmi ces droits de l'homme, il y a le droit à l'alimentation et c'est l'un des droits avec le droit au logement, mais ça j'en parlerai pas parce que le DALE a dû en parler ou en parlera. Mais le droit à l'alimentation, c'est l'un des droits les plus bafoués. Le droit à l'alimentation, c'est pas uniquement le droit de ne pas mourir de faim. C'est souvent Sébastien, mais j'ai croisé le monsieur avec son pins du DALE aussi, ouais, qu'on voit souvent. Mais comme je disais, le droit à l'alimentation, c'est pas uniquement le droit à ne pas mourir de faim. C'est pas parce qu'on ne meurt pas de faim qu'on bénéficie de ce droit à l'alimentation. C'est le droit à un accès régulier, permanent et libre, sans contrainte, à une alimentation qui soit suffisante et satisfaisante du point de vue de la qualité et de la quantité. Tout ça dans le but de pouvoir assurer une vie psychique et physique libre d'angoisse, satisfaisante et digne. Donc c'est-à-dire que c'est pas uniquement la nourriture, on pense pas, voilà, que une personne qui doit tout le temps justifier de sa précarité pour avoir de l'argent ou pour avoir de la nourriture, c'est une source d'angoisse. Ça ne lui permet pas de retrouver sa dignité. Et ça, c'est important dans le droit à l'alimentation. Et je vais laisser la parole un petit peu à Clément pour continuer. Alors après, nous on va pas, enfin nous on défend hein, les actions individuelles qui vont permettre de recréer un peu, de retisser du lien social, de s'ouvrir aux autres, de développer de la solidarité. Mais ces solutions individuelles, elles vont pas changer la société. Enfin moi je pense qu'il y a des actions collectives qu'on peut mener, qu'on doit mener pour changer cette société justement, pour combattre la misère. Je pense que c'est ça qui va fonctionner. Et donc du coup, ça peut être intéressant de s'interroger sur les causes de la misère. Donc pour moi, il y a plusieurs. En fait, la misère, c'est jamais une cause qui amène des personnes à la rue. C'est généralement une cumulation de plusieurs facteurs. Donc il y a des facteurs individuels hein, qui sont liés à des situations familiales compliquées, des accidents professionnels, parfois même la psychologie de certains individus. Et il y a des facteurs pour moi qui sont clairement liés au fait qu'on vit dans un système économique aujourd'hui qui est dépassé et qui aujourd'hui détruit beaucoup plus humainement et matériellement que ce qui nous permet de créer. Et alors, à notre enfin, c'est compliqué d'agir sur les facteurs individuels. Enfin, collectivement, je pense qu'on ne peut pas le faire. En revanche, on peut clairement agir sur les facteurs qui sont liés au système économique. Et je pense que c'est intéressant d'essayer de comprendre comment le système économique, il fabrique la précarité, il fabrique la misère, et de voir quelles actions collectives nous on pourrait mener. Donc ben, le premier aspect de ce système économique qui fabrique la misère, enfin, ça c'est clairement la croissance des inégalités sociales. Ça je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Il y a l'Oxfam notamment qui a publié un sondage pour dire que dans le monde, maintenant, le 1% des plus riches y possèdent plus de 99% de ce que possèdent les autres. En revanche, que ces sondages ils disent pas forcément, c'est que les inégalités sociales, elles sont intrinsèques au système capitaliste dans lequel on vit. Je veux dire, c'est, on peut pas avoir de capitalisme sans inégalité, c'est inévitable. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que le capitalisme, ça fonctionne sur un antagonisme de classe entre ceux qui possèdent et qui gèrent les entreprises, les moyens de production, donc la classe des capitalistes, et les autres qui travaillent sur ces moyens de production pour produire la richesse. Et là, il y a un antagonisme évident parce que quand ils produisent, quand l'activité des deux combinées permet de produire une richesse. En gros, les capitalistes, ils vont prendre leur part sous forme de dividendes et les travailleurs, ils vont prendre leur part sous forme de salaire. Et la répartition, aujourd'hui, elle s'est toujours faite en faveur des capitalistes et moins en faveur des travailleurs. Mais il y avait un moment où l'État, quand même, cherchait à tempérer un peu cette répartition pour que ce soit pas trop inégal non plus. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis les chocs pétroliers, depuis des vagues de politique libérale, aujourd'hui l'État ne régule plus. Et aujourd'hui, on voit la part de la richesse produite qui va toujours plus vers les profits, vers les dividendes, et qui va de moins en moins vers les salaires. Et ça s'est ressenti sur le niveau de vie général de la population en France. Aujourd'hui, les gens gagnent beaucoup moins. Enfin, il y a eu des blocages de salaire, il y a moins d'augmentation de salaire. Et ça favorise la précarité et ça rend les personnes beaucoup plus vulnérables aux aléas de la vie. Et c'est ça qui, pour moi, fabrique la misère. Il y a un autre aspect aussi du capitalisme qui, pour moi, est très nocif, c'est la concurrence que se livrent en fait les capitalistes les uns contre les autres, qui les pousse à vouloir être toujours plus compétitifs. C'est-à-dire qu'en fait, pour être compétitif, il faut vendre un maximum de marchandises à un meilleur coût. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il faut faire produire le plus de biens aux travailleurs en en utilisant le moins possible. Donc ça amène des suppressions de postes évidentes. Et ces suppressions de postes, elles sont forcément amplifiées par l'intensification de la concurrence, notamment à l'échelle internationale, et les crises qui créent des instabilités économiques. Et ça crée un chômage massif. Et le chômage, c'est à double tranchant pour les travailleurs. Bah, d'une part, ça touche les chômeurs qui doivent subvenir à leurs besoins avec beaucoup moins de revenus, avec quelques revenus de solidarité, et encore la plupart n'en bénéficient pas. Et surtout, ça permet aussi aux patrons de faire imposer des choses aux travailleurs en termes de rémunération, de conditions de travail, de flexibilité des horaires qu'ils n'auraient pas pu faire imposer s'il n'y avait pas la peur du chômage qui pèse sur la population. Voilà. Et tous ces aspects du système, ils créent de la précarité et ils rendent vraiment les gens plus vulnérables, ce qui fait que y a des personnes qui auraient pu se relever face à des accidents de parcours si elles avaient eu un niveau de vie correct, mais le fait qu'elles soient déjà étranglées de toutes parts face à la hausse des coûts et face à la précarité que leur impose le système, ça fait que ils se retrouvent dans des situations pas possibles et qu'ils finissent à la rue. Voilà. Et donc du coup, après, il faut quand même se dire que ce n'est pas une fatalité, qu'on a les moyens aujourd'hui de contrer ce système, parce qu'il s'avère que ceux qui subissent ce système, bah, c'est essentiellement les travailleurs, qu'ils soient chômeurs ou en activité, et ces gens-là, c'est vraiment eux qui ont le pouvoir de changer la société. D'une part parce que c'est les plus nombreux, et surtout parce que c'est eux qui font tourner la richesse, je veux dire, enfin, qui font tourner le pays, c'est eux qui produisent la richesse. Et ces travailleurs, s'ils se mobilisent collectivement, ils ont vraiment moyen de faire bouger la société. L'histoire, elle est riche d'exemples de travailleurs qui, en se mobilisant, qui ont pu faire des choses. Mais ce qui est important, enfin, il faut impérativement que les travailleurs reprennent foi en leur force collective et en leur capacité de lutte. Et il faut qu'ils s'organisent, qu'ils se structurent, qui crée un parti, une organisation, pour justement amplifier ces luttes, les structurer, leur donner du corps, et pouvoir les étendre à l'échelle internationale, et pouvoir donc défendre un intérêt commun, un programme commun qui défendrait un intérêt de classe. Et c'est de cette manière que les travailleurs pourraient par exemple imposer la transparence des comptes dans les entreprises, pour pouvoir en assurer le contrôle. C'est aussi comme ça qu'ils pourront imposer une hausse des salaires et une hausse des pensions en prenant sur les profits des patrons. Et c'est aussi comme ça qu'ils pourront imposer une meilleure répartition du temps de travail. C'est pour ça qu'il est impératif aujourd'hui de discuter autour de nous, notamment quand il y a des mouvements sociaux, pour montrer aux travailleurs les perspectives qu'ils pourraient avoir s'ils se structuraient, s'ils s'organisaient. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire au quotidien, enfin pour pouvoir amener un changement de société, parce que pour moi, il n'y a qu'un réel changement de société qui pourrait nous permettre de vraiment terrasser la misère. Parce que pour moi, on ne pourra pas terrasser la misère sans terrasser le capitalisme. Voilà. Ouais. Il y a un point technique. Juste, excusez-moi, j'ai juste un point technique. On a des copains qui sont nassés à Trocadéro et ils ont besoin d'aide. Et il y a un groupe qui est à ma gauche. Si vous voulez les rejoindre, qui va partir pour aider les copains nassés à Trocadéro. Voilà, excusez-moi. Ouais, du coup, vous avez fini, hein ? Ouais. Bah, merci beaucoup. Et, du coup, on va passer aux questions, aux réactions. Et, donc, n'hésitez pas à lever la main, je vous passerai le micro à votre tour. Moi, je pense que Nuit Debout, ça permet aussi beaucoup la rencontre. Et là, il y a une problématique dans le discours, c'est de dire les travailleurs, ils subissent, les capitalistes, etc. Pour moi, le capitalisme n'existe que dans nos têtes. Si on revient sur la question tout à l'heure, qui était la pauvreté intellectuelle, la pauvreté spirituelle, ce qui crée le capital, c'est les couillons qui vont bosser pour le capital. C'est-à-dire que on ne devient pas stupide du jour au lendemain. Il y a des notions qui nous il y a des choses, ils ont des calculs qui nous ramènent, le système scolaire, plein de choses qui nous ramènent à travailler les uns contre les autres ou pour. Par exemple, je prends un exemple au hasard, Goodyear. Donc il y a des travailleurs qui défendent le droit au travail, au salaire, dans une entreprise comme Goodyear qui veut les virer. Mais jamais les gens se sont posé la question, comment on fabrique un pneu de voiture? C'est-à-dire que fabriquer des pneus de voiture, au début de la chaîne, c'est des morts. C'est des enfants de 6 ans qui vont ramasser du caoutchouc dans la forêt. Et ces questions-là se posent pas. C'est-à-dire que on est là en train de parler d'un tel contre un tel. Et là, tout à l'heure, on dit les ouvriers meurent plus que les cadres. Excusez-moi, un cadre, il est manipulé aussi pour arriver là où il en est. Il va acheter une voiture qui roule vite. Il va mourir dans un accident. Il a 2 maîtresses. Sa femme va venir le tuer parce qu'elle a 2 maîtresses pour pouvoir travailler et pouvoir tenir. Eh ben, il va prendre de la cocaïne. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cocaïne chez les cadres. En fait, on est dans un système qui nous met tous les uns et les autres, non seulement l'un contre les autres, mais aussi dans la merde. Donc, il faut que nous, dans notre discours, je suis tout à fait d'accord avec la volonté de ce que vous faites, ne pas mettre les travailleurs contre les patrons ou contre les machins. C'est-à-dire que nous sommes tous pris pour des couillons. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Nous tous ensemble, autant le créateur, celui qui a créé une entreprise, c'est très difficile. Hein, celui qui a essayé de créer une entreprise, il dort pas. Il se couche le soir à 23h, le matin à 5h, il est debout. Et tous les jours, il n'a pas de dimanche. Donc, la vraie problématique, c'est dans quelle société on est, comment on arrive à vivre les uns avec les autres, et comment on arrive à ne plus être des couillons l'un par rapport à l'autre. Parce que si on dit, les travailleurs, c'est les pauvres qui subissent, les autres, c'est des connards, on peut pas comprendre le système et on peut pas comprendre la société. Et celui qui est ici, qui t'écoute, parce qu'il a essayé de monter une entreprise de chaussures et qu'il a employé deux mecs qui se bat comme il peut pour fabriquer ses chaussures, il va pas rester sur la place parce que il entend qu'il se fait insulter, on le traite de capitaliste, je ne sais quoi. Donc, il y a un vrai problème. On peut pas comprendre déjà les petites entreprises et les multinationales à la con, qui sont comme des religions. Et il faut pas confondre non plus le créateur d'entreprise et le travailleur. Faut pas les mettre les uns contre les autres. Et surtout, il faut qu'on se réveille les uns et les autres, parce que vraiment, notre plus grande pauvreté, c'est notre cervelle. Moi, je suis pas religieux. Ma mère est religieuse. Elle l'a été. À la retraite, elle a changé parce qu'elle a eu le temps de réfléchir. Ma mère a attendu la retraite pour commencer à réfléchir qu'est-ce que c'est que la religion. Avant, elle pouvait pas réfléchir. Moi, elle a failli me tuer pour une connerie. Elle m'a traité de Satan. Donc, en fait, et chrétienne, hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que on en arrive tous à être dans des dispositions où notre cerveau ne travaille plus, où on se met les uns contre les autres, et où on arrive, comme vous, qui fait un boulot bon, mais qui mettait les travailleurs contre les autres. Et pour moi, faut pas faire ça. Il faut inviter tout le monde, justement, à combattre et à essayer de créer la société ensemble. Moi, c'est juste la remarque que je voulais faire, sinon je suis en parfaite adéquation avec votre travail et à éradiquer la faim dans le monde et en France et n'importe où. Vous voulez réagir ? Non, c'est une bonne remarque. Après, je voulais juste rappeler un truc. L'association Cher a rien à voir un petit peu avec la lutte ouvrière ou changer le système. Enfin, Clément est assez calé là-dessus. Moi, personnellement, j'y connais rien du tout. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Notre but avant tout, c'est vraiment de lutter contre l'exclusion sociale. Et voilà, contre. Et justement, ce que tu dis, c'est intéressant. Il faut pas monter les uns contre les autres. Et je pense qu'il faut parler à tout le monde. Il faut pas voilà, dire eux, c'est les connards et eux, c'est les gentils, il faut les aider. Tu as tout à fait raison. Et je pense aussi que c'est pour changer le système, c'est à travers le débat, à travers justement toutes ces idées, qu'on va trouver les bonnes solutions et qu'il faut tout prendre en compte. Mais voilà, moi personnellement, après, je connais pas grand chose, donc je vais laisser la parole à Clément. Alors juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, moi quand je parle de classe sociale, je ne porte aucun jugement de valeur sur les individus. Enfin je veux dire, un individu il naît là où il naît, il joue avec les cartes qu'il a en main pour faire ce qui lui semble bon. Moi je porte pas de jugement de valeur, je connais pas... Je pense que t'as des connards chez les travailleurs, t'as des gens bien chez les patrons, enfin c'est même sûr. Mais moi ce que je regarde c'est en termes de force sociale, qu'est-ce que ces gens-là ils ont à proposer pour la société. Et ben moi je dis qu'aujourd'hui un système de propriété privée des moyens de production et un système de libre concurrence, ça ne peut pas marcher. Et donc en tant que classe sociale, ces patrons ils ont rien à proposer, même si il y a des petits patrons qui souffrent du capitalisme, etc. Les alternatives qu'ils ont à proposer en tant que force sociale, pour moi, elles sont pas bonnes. Enfin, pour moi c'est vraiment les travailleurs qui ont un nouveau système économique à proposer et qui doivent se battre en défendant leurs intérêts pour proposer ce système-là. Ensuite, tu parlais du fait qu'aujourd'hui, on est tous un peu les uns contre les autres et tout, et c'est vrai. Mais pourquoi on est les uns contre les autres? Justement parce que les structures économiques et sociales sont conçues de cette manière-là. Et moi, je suis complètement convaincu que c'est vraiment nos conditions matérielles d'existence qui façonne notre façon de voir le monde, notre façon de penser, notre façon de réagir et d'interagir avec les autres. Et pour éviter justement, favoriser justement la prise de conscience des conditions de travail dans les autres pays, il faudrait qu'une telle organisation, elle soit internationale. Il faudrait qu'elle soit démocratique dans son fonctionnement, mais il faudrait qu'elle ait des visées internationales justement pour que les travailleurs d'un tel pays, ils aient conscience des luttes menées par leurs camarades dans d'autres pays et qu'ils puissent se soutenir mutuellement, parce qu'il n'y a qu'en se soutenant et en restant unis qu'ils auront la force de faire triompher leurs intérêts communs. Voilà, moi c'est ça que je voulais dire. Merci. Bonjour, je n'ai entendu que la fin de votre discours. Oui, je n'ai entendu que la fin de votre discours. Et je voudrais rebondir sur ce que j' ai entendu. C'est... Je vais pas embrasser le micro quand même. Ok. Oui, je voudrais rebondir sur ce que j'ai entendu. À la fin du discours, tu as dit... Comme ça, voilà. Ok. Je voudrais rebondir sur la fin de votre discours, où vous disiez que la libre concurrence entraîné une augmentation de la productivité qui était source des malheurs des gens qui n'ont pas d'emploi ou des gens qui sont dans la pauvreté. Et je voulais juste faire remarquer que, bon, il y a 200 ans, la société était très différente avant la révolution industrielle. Une quantité énorme. Bon, pourquoi ? Parce que la productivité était très faible. Et donc, on avait besoin d'énormément de main-d'œuvre pour faire l'équivalent de ce qu'on fait maintenant. Et je pose cette question. Est-ce que la qualité de vie était meilleure à cette époque-là ou maintenant ? Autrement dit, la productivité, je pense, apporte une qualité de vie. Et c'est vrai, productivité, ça signifie qu'on produit plus pour un effort moindre. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on doit abandonner, ça veut dire qu'il y aura moins d'emplois dans certains domaines. Et peut-être que ça peut s'accompagner d'une création d'emplois, d'opportunités dans d'autres domaines. Voilà. Alors, le problème, c'est pas la capacité de produire plus, c'est qu'il y a aujourd'hui, on est dans un objectif de rentabilité, c'est-à-dire que quand les entreprises produisent, c'est pour pouvoir écouler des marchandises dans un marché solvable. On cherche pas à répondre aux besoins de la population, on cherche juste à vendre pour rapporter. Et si je prends, on va prendre un exemple tout bête, on va prendre dans l'automobile. On va dire que, je sais pas, le marché de solvable des voitures dans le monde, c'est, je sais pas, on va dire 100 millions. Il faut produire 100 millions de voitures. Donc, il y a quoi? Il y a Toyota, il y a Renault, il y a Peugeot, il y a Citroën. Ils vont essayer, eux, de produire, ils vont idéalement essayer d'avoir les 100 millions de voitures. Ils vont jamais les obtenir, mais ils vont essayer de trouver des cibles, ils vont essayer de découper le marché en plusieurs cibles commerciales et de produire un maximum de voitures pour les vendre un maximum. Sauf qu'ils n'arriveront jamais à vendre tout ce qu'ils ont produit, parce qu'en fait, si on cumule tout ce qu'ils ont produit, ils ont produit beaucoup que les 100 millions de voitures qu'il y avait à produire. Et donc, est-ce qu'on en fait des 100 millions, enfin, du surplus? Bah, soit on détruit pour réguler les prix, ou pas, enfin voilà, on va pas distribuer à d'autres personnes qui en auraient besoin. Et en fait, aujourd'hui, le productivisme, c'est pas d'être capable de produire beaucoup, c'est de vouloir produire n'importe quoi, n'importe comment pour vendre. Il faudrait en fait, c'est pour ça que c'est important que les travailleurs reprennent à leur compte les moyens de production pour qu'ils puissent organiser la production selon les besoins de la population et non plus dans un objectif de marché. Et ce que vous dites sur le fait qu'aujourd'hui il y a des secteurs où on pourrait moins travailler, c'est parfaitement vrai, mais plutôt que de supprimer des postes, ce qu'il faudrait faire, c'est de permettre à chacun de travailler un peu moins et de pouvoir se recentrer sur d'autres activités, tout en gardant un niveau de vie. Et ça pourra pas se faire si on s'attaque pas au profit. Voilà. Et je voulais dire un autre truc. Non, je sais plus. Non, c'est tout. Tu auras l'occasion de rebondir. Donc moi je voudrais rebondir, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis là, sur le partage du temps de travail, si on partageait le travail plutôt que de mettre les gens à la rue comme c'est le cas. Et justement le monsieur il parlait d'aujourd'hui, la productivité, etc. Bah, le monsieur je l'invite à aller dormir ce soir avec les SDF, il va comprendre ce que c'est que la dignité et la pauvreté, voilà, c'était juste pour... Et donc aussi je voudrais rebondir aussi sur la lutte des classes, que le monsieur disait, ouais, il n'y a pas de lutte des classes, que les patrons, ils sont gentils, il y a des patrons gentils, ouais, bon, voilà. Il y a des poissons volants, mais c'est pas la majorité du genre. Il faut pas prendre un exemple pour faire la règle, voilà. Les patrons, ce qu'ils font, ils savent exactement ce qu'ils font. Des gens comme Bolloré, comme Bouygues, comme plein de gens, quand ils savent exactement ce qu'ils font. Et justement, je voudrais rebondir sur ce que le monsieur disait, il parlait il y a 200 ans. Il y a plus de 200 ans, il y a un monsieur qui s'appelle Adam Smith, qui a écrit un livre qui s'appelle « La richesse des nations ». Et il expliquait déjà à son époque... À l'époque où, quand il y avait des manifs, les gens qui faisaient des manifs, on leur tirait dessus au fusil, on les tuait réellement. Hein. Je rappelle comment c'était à l'époque. Hein. Même jusqu'au 19e, hein, les gens de la commune, ils ont été tués aussi au fusil. Hein. On les fusillait, les ouvriers, quand ils faisaient des manifs. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça encore. Hein. Donc ce monsieur, Adam Smith, qui a écrit « La richesse des nations », qui était un économiste, ce monsieur, il explique que qu'il parle déjà de la lutte des classes. Il explique que les patrons, eux, ils sont déjà regroupés en association à l'époque, alors que les ouvriers, ils sont divisés. Mais ça, on le fait exprès, on veut que les gens soient divisés. D'ailleurs, je vais vous donner un bon exemple. Aujourd'hui, il y a une manif, une contre-manif d'une autre manif qui est le mariage pour tous. Le mariage pour tous, c'est quoi? C'est pour diviser les gens, c'est ça. Ça sert à diviser les gens. Il y a les religieux, les pas religieux, les homos, les pas homos. Et c'est pareil. Là, il y a aussi l'histoire des identités, là. On nous parle d'identité française, etc. C'est pareil. C'est pour diviser des gens. C'est ça. Ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est de nous faire glisser, justement, de la lutte des classes à la lutte des races, à mettre des gens dans des communautés, dans des appartenances. Alors que, justement, il faudrait que les gens, ils s'unissent, justement, contre ses patrons, parce qu'un patron il sait exactement ce qu'il fait. Le problème c'est quand on embauche quelqu'un pour vivre sur son travail, et ben c'est pas normal. Moi je trouve pas ça normal, voilà. Et je trouve que ce serait mieux si les gens s'associaient, voilà, comme le propose le monsieur, voilà, qu'on crée de la démocratie dans l'entreprise, voilà, tout simplement, qu'on crée de l'autogestion, que les gens ils décident réellement de ce qu'ils font. Parce que c'est vrai qu'on arrive tout le temps la peur au ventre parce qu'on a peur d'être au chômage dans le travail, ou alors on est au chômage ou on est à la rue, voilà, et qu'on est assujetti à des dictateurs parce qu'un patron c'est un dictateur. Je suis désolé, un patron c'est un dictateur. C'est pas nous qu'on choisit, voilà, et on passe les deux tiers de son temps au travail, dans sa vie, et on choisirait rien du tout de ce qu'on doit faire, voilà. Merci, et je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Oui, alors, moi je vais pas faire de discours, j'ai juste vous poser une question, parce que j'avais vu au programme que vous alliez nous parler de votre action, donc je voudrais savoir, Cher, ça existe depuis combien de temps? Très concrètement, vous êtes combien, vous opérez où, comment, enfin voilà, si vous pouvez faire un petit briefing sur votre action. J'avais oublié juste une petite question à propos de la concurrence, puisque j'ai cité un économiste, il y a un autre économiste qui s'appelle Karl Marx, qui lui que la concurrence a terminé en monopole, et voilà quoi. Et justement, sans rien, puisqu'en fait on n'a pas le rapport de force, etc., est-ce qu'il ne faudrait pas justement que les gens dans l'AG, on soit tous dans l'AG, et qu'on décide, voilà, maintenant il y a de la tension, on change carrément la forme de la jeu, on passe à un truc de jeu, et après on revient au truc de tension. Est-ce que ce serait pas une idée, quoi, pour que la tension abaisse, parce qu'à un moment il faut stopper le truc, et le truc il stoppe pas parce qu'on continue, et on a beau faire des machins avec nos petits signes de sérénité, il se passe rien, même si on est plusieurs. Donc est-ce qu'il faudrait pas à un moment décider collectivement d'engager, on dit tiens, clac, maintenant la sérénité ça va être, on change de mode, on passe en un mode, en un espèce, un autre mode de jeu, qui fait que la tension abaisse, et après on revient à la jeu normal. On ferait, je sais pas, un truc de genre 5-10 minutes où on serait dans un jeu, où les gens ils seraient, je sais pas, ils auraient des rôles, on leur donnerait des rôles, ou je sais pas, ou voilà, enfin bon, c'est des idées comme ça. Et puis voilà, et à un moment donné, c'est pas, il y a des gens qui sont dans une haine, voilà, et bon, il faudrait qu'ils s'expliquent aussi pourquoi ils sont dans une haine comme ça, et que pourquoi les gens ils veulent pas rester sur, ils campent sur leur position, ils veulent pas un peu lâcher un peu, donner un peu de laisse pour qu'il puisse y avoir un terrain d'entente, qu'on soit pas dans la montée des extrêmes. Ils tiennent 90% du commerce en France. Voilà. Donc il n'y a pas de monopole. Ces gens, ils sont 5, il y a 5 centrales d'achat, et eux, je peux vous dire qu'ils sont pas en concurrence, ils s'accordent. Ils savent très bien que s'ils se mettent en concurrence, ils se désingraient, ils préfèrent s'accorder. Il suffit d'acheter un produit, vous verrez, il est le même partout, dans tous les supermarchés, voilà. Et ces gens-là, ils ont bouffé tous les petits commerces, donc il n'y a pas de concurrence. Il y a des monopoles, et voilà. L'histoire de concurrence libre et non faussée qu'on nous vend dans le traité de Lisbonne, c'est une grosse arnaque, voilà. C'était juste pour parler de concurrence. Merci. Une réaction. C'est lui qui va répondre. Non, je vais répondre rapidement à ce qui s'est dit, parce que comme j'ai dit, je suis pas un spécialiste. Mais ce que vous dites, j'ai appris beaucoup de ce qu'a dit Clément et de ce que tu as dit toi également. Et je pense qu'on doit tous casser nos a priori pour, voilà, s'ouvrir à la vision de l'autre. Par contre, le truc sur les poissons volants, même si voilà, il y a des poissons volants, mais que c'est pas la majorité. Je pense que c'est dangereux de généraliser, parce qu'en généralisant, en généralisant, voilà, sur les patrons, par exemple, on dit le patron est un dictateur, c'est une généralité qui simplifie les choses, et je pense qu'il faut replacer les choses dans leur complexité. Les choses sont complexes. Non, après on. Juste quand je dis le patron c'est un dictateur, je suis désolé, mais quand tu rentres dans un boulot, qu'est-ce que tu choisis toi? Est-ce que c'est toi qui choisis ou est-ce que c'est le patron? T'es obligé d'écouter ce que te dit le patron, chef. Si t'es pas content, il y a 50 personnes qui attendent ta place. Voilà, c'est ça la réalité. Donc quand je dis le patron c'est un dictateur, je sais très bien ce que je dis, je le répète. Et en général, le patron c'est un dictateur. Il y a peut-être des patrons sympas, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, il y a des poissons volants, mais c'est pas la majorité du genre. Non, c'est il a pas tort, mais c'est une généralité. Et le problème de ce discours, c'est que il est pas audible pour une grande partie de la population et que tout le monde, je pense que c'est urgent qu'on se rassemble et qu'on arrête de se séparer. Et peut-être que édulcorer un peu le discours, ça aurait une meilleure efficacité. Mais après, voilà, je suis pas, j'ai pas forcément raison. Voilà, c'est mon avis. Et voilà. Sinon, Cher, c'est vrai qu'on a été invité pour parler de, dans le cadre de la journée contre, pour le refus de la misère. Donc, on a parlé avant tout ça. Mais Cher, c'est une association qui existe depuis 3 ans à peu près. On maraude essentiellement sur République et les alentours. Donc, voilà, ça permet aussi de connaître le public. Et donc, on maraude tous les vendredis s'il y a des gens qui sont intéressés. Vendredi soir, le vendredi soir, on récupère des plats. On a un partenariat avec un restaurant qui fabrique des plats assez équilibrés et assez bons. On a des bons retours. On les récupère vers 20h30. Donc, on est c'est vers Ballard. On est ici à peu près vers 21h. Ouais, je sais pas si on peut travailler ensemble, peut-être. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de supermarchés, de boulangeries qui voudraient donner des denrées alimentaires, mais qui trouvent pas de personnes qui se mobilisent pour les récupérer, parce que voilà, ils sont prêts à donner, mais ils trouvent pas de la place. On tourne, on fait vraiment le tour de la place. On va sur la place. Généralement, on finit le vendredi soir au stand Autre Monde, où il y a aussi des gens qui sont là-bas, parce qu'on a parfois des grosses barquettes de salade ou des trucs qui peuvent être conservés au frigo, donc c'est plus pour les gens là-bas. Mais on fait le tour de la place le vendredi soir, et un dimanche sur deux, par contre, là, c'est nous qui préparons. On essaie de préparer des paniers repas avec des sandwichs et des fruits, enfin un peu tout. On distribue aussi du café. Mais comme j'ai dit, le but, et ça tout le monde peut le faire, c'est de refuser l'une des causes de la misère qui est l'exclusion sociale. Et ça, il faut arrêter d'être indifférent, il faut arrêter de passer devant des gens qui sont dans la rue et de se dire bah, « c'est une fatalité, on peut rien y faire ». Si vous pouvez y faire quelque chose, vous pouvez aller leur parler, leur demander si ça va et discuter, boire un café et voilà. Qu'on arrête de parler de marginaux et de les mettre à la marge de la société. Ce sont... voilà. Ils sont comme nous, on est tous dans le même bateau, et voilà, le but de Cher, c'est ça avant tout. Et voilà. Voilà. Et juste, je voudrais insister sur ce qu'on fait. Enfin, les maraudes, tout le monde peut le faire. Enfin, faut pas être un grand génie, faut pas avoir un brevet de secourisme, un doctorat de sociologie, de je sais pas quoi, non. Enfin, faut juste être motivé, genre 2-3 copains. Ça sert à rien d'être trop nombreux. Hein. Nous, généralement, le dimanche, ce qu'on fait, c'est qu'on plafonne à 6 bénévoles et on se divise en 2 équipes de 3. C'est bien d'être pas trop nombreux. Ça favorise justement l'échange, le dialogue. C'est plus convivial. Et je veux dire, préparer des sandwichs, tout le monde peut le faire. Enfin, et si jamais on n'a pas les moyens, il y a plein de restaurants, y compris un ici, hein, qui, à mon avis, vendent pas forcément toute leur production. Et qui pourrait être content justement de participer à ce genre de projet. Voilà, enfin, faut juste prendre le temps d'aller démarcher ces restaurants-là, de voir autour de soi qu'un copain est motivé. Et il y a plein de quartiers où on peut faire des actions comme ça de solidarité pour justement discuter un peu avec les gens, essayer de recréer un lien social, quoi. Parce que la misère, ouais, c'est, enfin, pour moi, c'est bon destructeur d'un point de vue matériel au niveau des conditions d'existence. Mais c'est aussi vraiment destructeur d'un point de vue humain, parce que une personne qui est coupée de son travail, qui voit forcément beaucoup moins ses amis ou sa famille, voire plus du tout, qui n'existe plus aux yeux d'une administration quelconque, je veux dire, pour moi, c'est une personne qui est déshumanisée, en fait. Enfin, c'est comme si on lui a arraché son identité, ce qu'elle était vraiment. Enfin, c'est comme si elle était morte sans être morte. Et enfin, il faut pas accepter ça. Enfin, et c'est important, je pense, du coup, d'aller vers les gens et discuter. Enfin, d'essayer d'apprendre à les connaître, surtout qu'il y en a vraiment, mais ils ont des vies de dingue. Enfin, quand vous discutez avec eux, mais ils vous apprennent mais énormément de trucs, parce que c'est des gens qui ont travaillé dans plusieurs boîtes, qui ont voyagé, qui ont une expérience et une maturité de vie qui est vraiment incroyable. Et on apprend beaucoup plus d'eux que eux apprendront de vous, en fait. Enfin, c'est vraiment un échange, la maraude. C'est pas genre on va donner comme ça parce qu'on est des gens bien. Non, c'est vraiment un échange où on reçoit autant qu'on donne. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Non, je voulais dire à ce sujet, moi par exemple, hier soir j'étais en soirée, c'est pour ça que je suis pas très en forme aujourd'hui, mais je me suis rendu compte pendant la soirée que ma soirée était pas si bien que ça, elle était un peu pourrie, et que je passe très souvent des meilleures soirées dans la rue qu'en soirée avec mes potes. Donc c'est pas de la charité, en fait, c'est vraiment... On reçoit vraiment beaucoup, et bon, il faut le faire pour s'en rendre compte. Et c'est pas aussi que de la nourriture. On essaye aussi de récolter par exemple des vêtements, de faire des, voilà, tout ce qui peut aider, des produits d'hygiène, de voir aussi les besoins des gens, voilà, d'essayer de sonder, de voir de quoi ils ont besoin, si on peut récupérer, et qui se sentent dans la communauté, parce qu'ils en font partie, mais c'est la société qui leur montre qu'ils n'en font pas partie, et c'est ça qu'on veut casser. C'est ce processus qu'on veut casser. Voilà. Merci. J'ai déjà 4 tours de parole, du coup, Stéphane. Bravo pour ce que vous faites. Et ce que je trouve bien par rapport à Mohamed et Clément, c'est que vous traitez à la fois les effets de la pauvreté et les causes. Moi, je pense notamment à l'intervention de Clément, qui s'interroge justement pour déterminer les causes. Mohamed aussi a parlé de l'exclusion sociale comme une cause. Clément est plutôt parti vers un domaine économique, et je le rejoins tout à fait. Et je pense que le problème par rapport aux mobilisations des salariés, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui sont en CDD, et donc, d'une certaine façon, le patronat a parfaitement conscience de la menace que peut représenter une prise de conscience d'elle-même de la force des classes populaires, et donc effectivement il y a on divise quelque part entre les chômeurs, les CDD, les CDI, etc., etc., pour finalement empêcher toute forme d'unification. Et alors moi personnellement, je pense que la solution, ça passe vraiment par un changement de modèle et par la fin du salariat, en fait. C'est-à-dire que voilà, je pense que moi, c'est la fin de la misère passera par la fin du salariat. Voilà. Vous voulez agir ou... Je voulais juste dire un truc rapidement. C'est vrai qu'on fait des maraudes, mais on a de plus en plus, on essaye de plus en plus de débattre aussi au sein de l'association pour créer un espace de débat, pour essayer de trouver des solutions, réfléchir et voilà, s'ouvrir l'esprit. Donc c'est pas uniquement des maraudes, on est aussi un groupe qui essaye de réfléchir, d'apprendre des uns des autres et aussi participer à des choses comme ça où on apprend beaucoup. Voilà. Bah d'ailleurs, share, c'est un jeu de mots, parce que ça veut dire bon partage en anglais, mais c'est aussi un, enfin je sais pas comment on appelle ça. S pour solidarité, H c'est humaine, réflexion. Non, L. Bah bref, solidarité, humaine, réflexion. Ouais, bah c'est ça, c'est ce truc là. Bref, bah, et du coup, il y a réflexion dedans aussi. On essaie justement de développer de plus en plus ce pôle-là, parce que c'est vrai qu'on ne faisait pas trop avant, mais on se dit que c'est bien d'être sur le terrain, mais aussi effectivement de réfléchir à comment changer la société pour éradiquer la misère. Voilà. Et je voulais dire aussi qu'on a une association toute simple, voilà, qui s'est créée d'une volonté à la base de trois bénévoles. Il n'y a aucune subvention, il n'y a rien du tout, et voilà, on dépend de personne et on fait ce qu'on veut. Je suis presque d'accord avec le monde, mais je crois que l'histoire ne se répète pas, et que l'époque qu'on vit est vraiment très différente des précédentes, et que les causes pour le phénomène sont multiples. Mais si on ne prend pas des distances, on peut difficilement comprendre, et c'est un problème de fond, et surtout d'éducation. Quand je dis d'éducation, éducation nationale. Il y a des phénomènes. D'abord, l'enseignement pour tous devrait avoir un résultat bien différent de celui que nous a, auquel nous assistons. Avant, la classe ouvrière n'avait pas accès à, la, à l'éducation, disons, d'un côté. De l'autre côté, la famille, dans la, la volonté de donner un avenir meilleur aux enfants, a confié les enfants à l'éducation nationale. Et c'est là quand même l'origine de beaucoup de problèmes, puisque pour des causes multiples qu'on peut expliquer, mais ça serait trop long, du moment que c'était pour tout le monde l'éducation obligatoire, que ce soit les élémentaires d'abord, les élémentaires, après les collèges, et après on arrive même au lycée, la, le niveau de qualité de l'enseignement a été baissé énormément pour des raisons multiples. Les parents, pour faciliter l'accès au diplôme, ont fait des, demandé des facilités. Les syndicats, pour avoir du pouvoir sur place dans les écoles, ont demandé aussi des moyens. Et ils ont demandé des vacances, ils ont demandé plus de discipline, etc. Les dérèglements étaient totaux. Et quand on sort du bac, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, on a appris peut-être beaucoup de choses, mais pas à vivre. C'est-à-dire, on n'a pas développé du tout l'esprit critique, on n'a pas du tout donné les moyens à la jeunesse de se défendre et de comprendre la vie, et de passionner pour ces choses. On a donné un enseignement technique superficiel, c'est, on peut dire, pas la faute du capital, le capital a participé, mais les parents ont participé, les syndicats ont participé, tout le monde a participé, moi aussi, et ça change rien au résultat. Maintenant, si on ne prend pas les choses en main, et c'est possible, et je pense qu'on le fera, puisque l'homme s'est toujours sorti des difficultés, mais il faut essayer de dépassionner le débat, descendre au fond, descendre à la base, et j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, la misère c'est un exemple, c'est un terrain dans lequel on peut effectivement trouver des solutions pour toute la société. Les problèmes ne sont jamais isolés, sont toujours globaux et bien liés entre eux, comme les cerises, disons. Hein. Quand il y a un problème, il y en a des milliers après, avec. Mais si on arrive à résoudre les problèmes de base, comme celui de la misère, c'est sûr que on aura trouvé la solution, ce ne sera pas une solution définitive, on n'éliminera pas la souffrance, on n'éliminera pas les malheurs, on n'éliminera pas la maladie, mais on donnera peut-être un peu plus de goût à la vie. C'est là le problème. Quand on arrive au suicide des enfants, on devrait avoir honte. On a enlevé le goût de la vie. Et personne ne l'a fait, nous l'avons fait tous ensemble. Et je peux vous citer les documents que j'ai cherchés et j'ai retrouvés. On commence en 1885, certains Guyot, je m'excuse de le citer, j'aime pas trop, il a inventé un néologisme, professeur d'université, à l'école de Nietzsche, à les grands Nietzsche, il a inventé la morale, amorale. En réfléchissant, j'ai dit, c'est pas possible que la morale soit une chose qui a un sens. Moi, je connais immoral et morale. La moralité et l'immoral. C'est-à-dire, quelqu'un qui est immoral sait qu'il est immoral. Et dans un vocabulaire, j'ai retrouvé effectivement un congrès 1926 qui a condamné cet néologisme. Seulement, il y a eu un succès énorme. Et la politique est amorale. Et l'histoire est amorale. Et les sciences sont amorales. Tout est devenu amoral. Parce que ça permet de faire n'importe quoi. Et les gens se sont précipités parce que les gens ont besoin de satisfaction morale, c'est le cas de dire, hein, et ont la volonté d'être en avant, hein, faire toujours mieux, inventer des choses, les progrès dans tous les sens, et on abandonne l'essentiel, les valeurs essentielles, ce sont des valeurs aussi vieilles que l'homme, pas plus, et seront toujours les mêmes. Seulement, quand on prend la mauvaise voie, on se retrouve dans des cul-de-sac. Voilà, et s'ils n'ont pas le courage de remettre leurs erreurs, ils ne résoudront pas. Et ça deviendra beaucoup plus grave. Pour en sortir, il faut se pacifier, se calmer, s'occuper des misérables, qui sont ceux qui souffrent le plus, et sont celles sur lesquelles on repose. Parce que la richesse qu'on a, a produit cette misère. Voilà. dans les pays pauvres, vraiment pauvres, il n'y a pas de misère, je le disais tout à l'heure, mais il y a la pauvreté, il n'y a pas de luxe. Quand je vois les voitures fumées, les bières fumées, et qu'on donne, on fait des lois pour les gens qui se gâchent, et il y a des gens qui ont le droit de se gâcher. Comment est possible? Quand on voit la vitesse c'est un problème, c'est l'époque du XXe siècle, c'est la caractéristique du XXe siècle. Et à cause de la vitesse, qu'est-ce qu'on fait? On ne ralentit pas, on oblige les motards à mettre un casque, et vous ne le voyez plus. Voilà, sur la place publique, vous pouvez pas voir à qui vous avez affaire. Un accident, et vous ne savez pas qui vous a blessé, qui a tué l'autre, etc. On est dans l'idiotie complète. Et c'est pas celui-là qui est responsable, c'est pas le capital, c'est nous tous. Mais revenons aux valeurs de départ, des valeurs de base. Hein? On peut être contre la famille, mais remplacer avec quelque chose de bon. Hein? On peut être contre la vitesse, hein? Mais réfléchissez, réfléchissons, mince. Nous sommes tous responsables, nous pouvons tous intervenir et faire mieux qu'on fait. Merci. Pardon, yeah. Vous voulez réagir ou... Non, je voulais juste dire que je partage quand même pas mal le constat du monsieur, déjà sur le fait que c'est global. Comment, Ulysse ? Ouais, merci. Sur le fait que c'est global et que aussi c'est une guerre idéologique à gagner, que c'est pas juste le système et que c'est toute la société, je pense, qui est responsable, et que justement ces lieux de débat, ça peut permettre de plus se former, et il faut arriver à convaincre le reste de la population pour qu'il y ait une vraie prise de conscience, et à titre personnel je pense que ça passera par là. Juste oui, mais bon, on va oui voilà, c'est ça, on va, il y avait un tour de parole en fait. Non mais si on tire pas le micro, non. Oui, non mais s'il vous plaît, Maria, s'il te plaît, Maria, oui, on a, oui, mais on, oui, on entre. Est-ce que tu peux attendre juste 5 minutes pour parler 2 minutes? Alors. Ouais, c'est à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Pas de souci, on va donner la parole. Alors, chers amis, bonjour les jeunes surtout. Et je ne suis pas vieille, même si je suis antique. Et donc, je vais vous dire une chose très importante. Si on ne change pas si on ne se sauve pas du nazisme financier d'aujourd'hui, vous ne pouvez parler d'aucune aide à la misère. Pourquoi? Parce que le nazisme financier aujourd'hui, il tue par les suicides, il y a les agriculteurs, il y a les postiers, tout le monde se suicide, les meilleurs se suicident, même les brefs passants. Donc, je vous propose, du 5 au 20 mars 2017, on n'achète rien. On mange des pâtes à la maison, on bourre la maison comme pendant la Deuxième Guerre mondiale avec ce qu'on a. Et après, au bout de 15 jours, comme le TVA ne rentre pas et qu'il n'y a personne pour acheter quoi que ce soit, les financiers s'écroulent. Et comme ils s'écroulent, on chasse tous ces idiots qui veulent être président de la République. Et on choisit, nous, à travers une assemblée constituante, une société que les jeunes peuvent renouveler et travailler avec. Alors quand les vieux parlent des heures, ça ne sert à rien. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que les Tchèques ont fait, je le répète parce que toi tu es tout le temps là, mais les autres ne sont pas tout le temps là. Les Tchèques, ils ont réussi dans les grandes régions communistes de l'Inde, ils ont réussi aussi. Quand on leur dit, on va vous faire du OGM, ils disent, ah bon, ils ne consomment plus. Et on leur dit, oh s'il vous plaît, consommez, surtout consommez, on accepte tout. Donc, c'est pour faire du communisme à la française, c'est... le communisme, le français, c'est les communes paysannes du XIIe siècle, d'où Karl Marx a tout pris. égalité, fraternité, liberté viennent de ces communes paysannes de la fraternité universelle qui étaient répandues dans toute l'Europe. Il y avait dans toute l'Europe les Bougoumis, les Cathares, les aimés de Dieu, comme on disait, parce que c'était ça, vivre ensemble. Parce que moi, avec mon syndic brigand, je vous jure que je ne vivrai pas ensemble. Hein. Donc, par conséquent, ce que je vous demande, c'est de ne pas attendre, et je termine, je ne peux pas attendre, moi, que quelqu'un prenne une décision. Depuis 30 ans, la social-démocratie, elle est ni coupable, ni responsable, ni elle peut prendre une décision. Et un vrai communiste du 12e siècle, il est coupable, responsable, et il prend une décision pour lui et même pour son amour. Parce que j'ai fait 20 ans cinéma en appartement, je montrais mes films et tout le monde attendait que je prenne toutes les décisions pour le spectateur qui était venu regarder les leçons de théâtre d'Antoine Vitesse où il était venu voir l'état de bonheur permanent ou d'autres films. Et si je le répète, c'est parce qu'il y a entre vous tous, beaucoup de flics aussi. Et déjà, ils ont tellement entendu mon discours et ils savent que ça va réussir et ça les gêne. Ils disent que je répète. Mais je le répète et répétez-le pour partout et prenez vos décisions en dehors de la social-démocratie. Elle a fait deux guerres, elle est en train de faire la troisième guerre et je ne veux pas que certaines prennent comme premier ministre Marine Le Pen. Hein? Et vous savez qui va la prendre. Alors, et ça veut dire c'est pas elle. Ah, une dernière chose, les vieux qui pensent qu'ils vont perdre, qu'ils vont perdre si quelque chose change, il faut qu'ils sachent quelque chose de très important. Non, toute l'épargne des Français est très, très, très... Toute l'épargne des Français est extrêmement surveillée de près parce que Deutsche Bank a besoin de l'argent des Français. Et donc, et les Américains aussi. Et donc, vous allez perdre tout votre argent, les vieux, si ne voulez pas changer de société. Donc, ne comptez pas sur le fait que on va vous pardonner. Et pour ne pas devenir la Grèce, deuxième Grèce, la France, je vous conseille de s'organiser, de dire à tous les amis, à tout le monde, du 5 au 20 mars, on ne sait rien. Merci. Bon, oui. Bonsoir à vous tous. Je voulais simplement vous encourager pour ce que l'action. On voulait. Je voulais simplement vous. C'est fini, monsieur. Oui. Je voulais simplement vous remercier de ce que vous développez, l'action que vous avez entreprise. Et je ne saurais tout humblement vous conseiller de ne pas chercher à avoir des subdivises de l'État. Parce que dans la mesure où on vous donnera de l'argent, on vous mettra des notes. C'est une image que je fais. Bien sûr, dans ce pays, beaucoup de mouvements, beaucoup de pauvreté. Et ce que je regrette, et en même temps un espoir, pourquoi n'y a-t-il pas une solidarité, une convergence totale pour un objectif bien défini? On entend des critiques ici et là, et on ne voit pas cette solidarité se développer. C'est vraiment l'objectif qu'il faut rechercher et qu'il faut atteindre absolument. ne pas écouter les politiques parce que les politiques, ce sont des diviseurs et ce sont des menteurs, parce que les places qu'ils cherchent sont tellement importantes et tellement gratifiantes qu'ils n'ont aucune dignité finalement. Alors, vous savez qu'il y a des bruits qui sont en train de courir. Il y a la sixième maladie. Et alors, quand on définit la sixième maladie, c'est quoi? Eh bien, c'est l'islam. Et il y a quelqu'un particulièrement qui est très atteint, qui est Sarkozy. Mais alors, derrière, il a un manque de chance, c'est que cette maladie est incurable. Voyez-vous? C'est ça que je pense que, sachant ça, il est désespéré. Bon, je ferme la parenthèse. Je reviens toujours à cette forme d'unité, il faut absolument qu'on y travaille et que tout le monde y travaille, parce que si on reste divisé dans l'action, soyez-en assurés que nous serons unis dans la défaite. Et si on ne comprend pas ça en profondeur, vraiment il y aura de quoi désespérer. Je ne vais pas être long, je signale simplement quelque chose qui est absolument important et que le politique a commis un crime de guerre qui n'a pas, que jusqu'à aujourd'hui il ne veut pas le reconnaître et il fait semblant d'être amnésique. Demain, c'est le 17 octobre, massacre des Algériens à la Seine, où il y a eu des dizaines de morts, simplement, et ils étaient sujets français, simplement qu'ils ont osé défier l'État raciste, simplement que cet État-là a sorti un décret où il interdisait à la communauté algérienne un couvre-feu qui commençait de 6h du matin jusqu'à 19h30 le soir. Et simplement, ces gens-là ont quitté les banlieues et convergé vers le centre de Paris pour dire non à ce type de racisme. Et on sait ce que ça a été, on connaît le massacre qui a eu lieu. Je voulais simplement rappeler ça et dire que les politiques, vraiment, vraiment, ils ont du mal à comprendre. Je vous remercie. Vous voulez réagir ou... Ouais. Non. N'hésitez pas du coup à me lever la main. Si vous avez... Je ne sais pas quelle heure il est après. Mais... Donc, pour revenir sur le sujet de la maraude, et seulement, moi je suis resté par exemple, j'habitais sous le pont d'Austerlitz dans une tente pendant un an, comme ça. Et le problème de la maraude, c'est qu'il y en a 5, 6, 7 qui passent. Des fois, on mange, il y en a trop, on ne sait plus quoi faire. Donc, il y a cette problématique à gérer. C'est-à-dire, vous n'êtes pas les seuls. Il y en a plusieurs. Et donc, je pense que vous avez un réseau informatique. Je ne sais pas comment vous faites. Parce que des fois, tu dors, il y en a un qui te réveille, te donne une soupe. Tu fermes les yeux, il y en a un autre qui te réveille, qui t'abonne du maïs. Tu fermes les yeux, il y en a un autre qui te réveille, te donne du... En fait, donc ça, c'est une problématique. Très sincèrement, si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas comprendre. Ça peut paraître bizarre, mais si vous ne l'avez pas vécu, ça, vous ne pouvez pas comprendre. Donc aussi dans les gens qui dorment dehors, il y en a plein parce que bon, ils ont divorcé ou je sais pas quoi et leur femme les a virés. Ça, c'est la moitié des hommes qui sont dehors. Parce que comme j'ai vécu avec eux, j'ai eu le temps de plus discuter avec eux. Après, tu as plein de problèmes. Mais de la même façon, on peut tous aller dehors demain, être riche la veille et retomber la surveille. Ça, c'est une tous. Et je remets encore sur ces propos. C'est Clément, c'est ça? C'est très important. J'ai un de mes meilleurs amis sur cette place avec lequel je ne suis jamais d'accord avec lui. Voilà, je ne montre pas du doigt. En fait, très sincèrement, et pourquoi je l'aime bien, parce qu'on arrive toujours à ne pas être d'accord sans se taper dessus. Et ça, c'est une des forces qu'on a et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui... Bon, enfin bref, peut-être ça arrivera un jour. Ne pas être d'accord et pouvoir être en accord. Ce que je voulais dire... Même j'ai réussi à faire pleurer un jour parce que moi je suis pas religieux, ils sont musulmans et des fois quand on parle on se blesse, mais le lendemain on va boire le thé ensemble. Et ça c'est une force. Moi j'ai mes raisons de ne pas être religieux, lui il a ses raisons de l'être. Mais il faut savoir s'accepter et se contredire. Et donc en fait pour revenir à un truc très problématique, c'est cette notion de faire croire aux êtres humains qu'ils sont soit des travailleurs, soit des salariés, soit des patrons, soit des je sais pas quoi, soit des je sais pas quoi. Nous sommes juste des êtres humains. Demain, je vais monter une entreprise, ça n'a pas marché, ben, j'irai travailler chez machin. Et pendant 6 mois, je vais mettre mon salaire de côté, je vais essayer de remonter une autre entreprise. Ou peut-être que je ne monterai jamais d'entreprise. Peut-être que j'étais d'abord le fils d'un riche et je ne l'ai pas aimé, je suis parti, je me suis marié, puis j'étais salarié. En fait, nous ne sommes pas des salariés, des travailleurs, de je ne sais quoi, nous sommes des êtres humains. Et donc, lorsque j'entends mon ami parler, ça me rend triste. Je me dis, est-ce que l'être humain, est-ce que nous sommes nés pour être des futurs esclaves? C'est là la question. Quand notre ami a parlé, il est parti, il a dit, mais le problème, c'est, est-ce que nous sommes nés pour être des salariés? Est-ce que nous ne pouvons pas être, nous, des plein de petits artisans qui échangeons et qui vivons les uns pour les autres? C'est-à-dire, et c'est ça, donc la misère, quelle misère, d'où vient cette misère, qui l'a construit? Est-ce que c'est pas nous-mêmes? Parce que depuis 7 mois, on nous parle des oligarchies, on nous parle des capitalistes, on nous parle... Mais le plus grand problème de la société, c'est nous-mêmes. Vous allez en Afrique, ils en prennent plein la gueule, mais ils ne peuvent pas s'en sortir sans la religion, sans ceci, sans cela, ou sans appeler la France en aide, ou ceci, cela. C'est-à-dire que tant que nous, les êtres humains, on ne se remet pas en question, et on ne se ment pas comme des êtres humains, c'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas marcher notre cervelle, on va rester dans cette misère intellectuelle. Et moi, je ne suis pas un salarié. Excuse-moi, je ne suis pas un travailleur, je suis quelqu'un qui fait, mais je peux le faire pour un autre si l'autre me plaît, si lui il a un projet qui est intéressant et qui me convainc, je rentre dans son projet. Mais si j'ai pas envie, ben je crée mon projet. Donc nous sommes des êtres humains avant, et cette question de salarié contre le patron, je la comprends pas. Je me dis, soit les gens sont frappés de la tête, ou soit ils sont nés pour être esclaves. Reprenez-vous, sincèrement, reprenez-vous. C'est un problème. Et donc, je vais pas parler de la religion, mais c'est la religion qui a mis dans la tête des gens qui sont de la merde. Parce que, en fait, bref, je vais pas parler de ça. C'est, j'ai lu la Bible et machin. Enfin bref, on peut ne pas être d'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais cette problématique, c'est qui sommes-nous? Ayons foi en nous. La meilleure personne en qui je peux avoir confiance, c'est moi. Pourquoi? Parce que si je vais bien, je peux aider l'autre. Si madame se noie et que je sais pas nager, je pourrais pas la sauver. Donc je me construis, je suis quelqu'un de solide pour pouvoir soutenir l'autre. C'est comme ça. Et la société, l'individualisme fort, c'est-à-dire l'ego, c'est se renforcer pour pouvoir créer l'ensemble. On peut avoir un ensemble, mais si c'est que des abrutis, des noyés, des manchants qui ne savent pas nager, l'ensemble il sert à rien, l'ensemble il coule. Et donc cette problématique, c'est de se mettre dans notre tête, nous ne sommes pas des travailleurs, nous ne sommes pas des salariés, nous sommes là des êtres humains qui allons partager la construction de quelqu'un ou l'idée de quelqu'un, ou je ne sais quoi. Mais si on ne se met pas ça en tête, on va toujours se battre les uns contre les autres, on va toujours être en guerre, on va toujours être des miséreux et des cela. Donc, je vais te rendre le micro, mais je te dis juste pour les maraudes, faites attention de ne pas être 50 000 à être sur une même personne, ou je ne sais quoi. Non, sur les maraudes, c'est intéressant, c'est un problème, mais après, ça arrive souvent que les gens aussi nous disent « j'ai déjà mangé, soit par leurs propres moyens », soit... Mais à République, on n'est pas si nombreux que ça aussi à marauder, donc ça va. Et... Mais c'est très important, surtout que les personnes qui sont à la rue prennent la parole et le disent, parce que ouais, moi, je me sens pas forcément le plus légitime pour parler des besoins de ceux qui vivent à la rue. Et voilà, c'est complexe, on peut pas généraliser non plus. Chacun a une situation bien définie. Mais je vous invite, par contre, à aller rencontrer et discuter avec eux pour être conscient de la situation. Après, ton intervention, elle est intéressante parce qu'elle montre aussi que toi, tu dis, on n'est pas des salariés, mais il y a des gens qui sont des salariés. Lui, ce qu'il dit, ça lui parle. Oui, non, mais attends, Clément, ce qu'il dit, voilà, non, tu es conscient de ça. En tout cas, ce sujet te parle. Toi, tu te considères pas comme ça, donc ça te parle pas. Et le problème, c'est qu'aussi, j'ai l'impression, moi, que la lutte des classes, ça parle pas à une certaine partie de la société, et il faut une prise de conscience. Donc je pense que toi aussi tu devrais un peu t'ouvrir et te dire, si lui il pense ça, pourquoi il le pense, et qu'est-ce qu'il veut dire par là. Même si t'as raison, on est tous des êtres humains, voilà, mais si tu comprends qu'est-ce qu'il veut dire par là, je pense que on peut ne pas faire attention aux petits points de vocabulaire, à tel mot, et vraiment comprendre l'idée. Et ouais, mais voilà, je pense aussi ce qui est important, c'est que le message soit audible à tout le monde. Et ce que je vois souvent, justement, c'est que cette rhétorique de la lutte des classes, malheureusement, elle ne parle pas à beaucoup de personnes. Et il faut, si il y a une certaine rhétorique, moi personnellement, que j'entends souvent, voilà, qui vient de Marx, qui vient de plusieurs auteurs, que je trouve très intéressante, mais malheureusement, elle n'est pas audible à une partie de la population. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une convergence entre les personnes qui sont à la rue, les salariés, même des patrons qui seraient... Oui, mais pour qu'il y ait la convergence, il faut que les personnes se sentent concernés. Voilà ce que je pense. Et je laisse la parole, je vais peut-être la laisser à Clément qui doit avoir un truc à rajouter. Alors, moi juste, je voulais rebondir. Enfin, je maintiens qu'il ne faut pas porter des jugements de valeur sur la morale. Enfin, ça, on s'en fout. Enfin, je veux dire, un individu, il est comme il est. On va pas, moi, je ne suis pas curé. Hein, je ne vais pas juger chaque individu pour savoir ce qui... Et ça, c'est à toi que je parle aussi. C'est important. On ne juge pas les gens sur ce qu'ils sont moralement. Moi, je parle d'un point de vue matériel. Et aujourd'hui, il y a d'un point de vue matériel. Si, il y a deux classes sociales. Il y a une classe qui a quand même intérêt à maintenir un système de propriété privée et de concurrence. Bah non, mais c'est quand même manifeste. Et après quand tu parles à des patrons, il y a des petits patrons, je suis d'accord, genre je sais pas, imaginons je sais pas, je fais de la recherche dans tel secteur, j'ai une idée, les structures où je fais la recherche sont pas adaptées, je vais monter une start-up avec des copains, pourquoi pas, tu vois. Donc voilà, je monte ma petite start-up et tout. Ça c'est cool, enfin c'est bien d'avoir des idées et de créer des choses. Mais sauf qu'il y a un moment, soit je vais être obligé de vendre mon produit à une autre entreprise et je vais me faire exploiter par une autre boîte, soit je vais faire comme Bill Gates, je vais avoir un sens aigu des affaires, je vais écraser la concurrence, je vais me développer et après pour m'enrichir, je vais faire travailler des travailleurs en Chine pour produire des ordinateurs dans des conditions qui sont quand même effroyables. Et ça, c'est contestable. Et après, je veux dire, il y a des patrons effectivement qui deviennent patrons pour produire des choses. Mais ce qui est important, c'est de savoir ces gens-là, quand ça va bouger, de quel côté ils vont se sentir. Est-ce qu'ils vont se sentir du côté de ceux qui défendent la propriété privée et la concurrence, ou est-ce qu'ils vont se sentir du côté de ceux qui veulent créer une économie collective où justement l'économie serait faite par tout le monde et où on planifie ensemble selon les besoins de la population et non plus dans un objectif de rentabilité immédiate et au profit de quelques-uns. Voilà, bah, faut croire que non, mais... Et après, je suis d'accord que ça ne parle pas. En fait, tout est fait pour que ça ne parle pas. Excuse-moi, Clément. Quand je dis qu'on ne parle pas de la même chose, c'est que je suis en accord complet avec ce que dit mon ami Khaled. Simplement, les grands patrons dont vous parlez ne représentent qu'une infime partie de la population. La plus grande majorité de la population. C'est comme les gens disent, ils croisent un noir, ils ont peur. Ils disent, ouais, le noir, machin. Mais 90% des noirs, tu les vois pas. Ils vont travailler le matin, ils vont ceci, ils vont cela, ils sont inaperçus. Mais celui qui a volé telle meuf ou machin, c'est lui que tu vas te dire, ah, c'est comme ça, et donc ça. Ok, il y a des patrons, c'est des connards. Mais la plus grande 90% des patrons, c'est des gens qui se lèvent le matin pour manger, faire nourrir leurs enfants ou qui ont un projet à créer. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des patrons, on ne parle pas de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ici, et ben, excuse-moi, il y a des gens qui ont monté une petite entreprise de chaussures. L'autre il a fait ci, l'autre il a fait ça, l'autre il a fait une idée. Mais ce n'est pas pour ça que c'est l'autre salaud qui va martyriser le monde. Donc on a tendance à penser la notion étatique, la notion de l'oligarchie qui veut nous faire penser comment on va écraser l'autre, et le vivre ensemble du tout un chacun qui a le droit de construire, de faire quelque chose. Et nous, on juge cette personne qui a le droit de construire, de faire quelque chose, à cause du connard qui utilise, des enfants pour ramasser cacao, ou 1000 personnes pour fabriquer machin. Donc, notre vision de la misère, c'est justement de nous déconnecter de ces connards et d'arriver à construire tous ensemble. Et donc, de ne pas cracher sur lui qui a monté sa petite entreprise. Non, parce que si lui il est maçon et qu'il me fait travailler avec lui, moi je le respecte, c'est grâce à lui que je travaille et parce que son idée me plaît. Oui, d'accord. Donc je peux pas dire les patrons sont comme ci, sont comme ça. Mais il faut nous qu'on crée ces sociétés d'intelligents qui travaillons de façon intelligente et qui sortons justement de chez Carrefour, de chez machin, de ces machins. C'est ça le problème. Et si on parle uniquement les patrons contre les travailleurs, on n'arrive pas justement, comme il disait tout à l'heure, à réfléchir ensemble, à penser ensemble et à se respecter. C'est ça le danger du... Oui, mais là, encore une fois, c'est parce que tu juges des individus... Enfin, moi, je ne parle pas des individus, je ne parle pas de ce qu'ils sont moralement. Je te parle en tant que force sociale, ce qu'ils ont à apporter à la société. Et initialement, le capitalisme, ça a apporté des choses pour développer la société, pour développer la production. Et moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ce système, il est plus viable. Ben, on le voit hein, aujourd'hui avec la montée de la famine, les guerres que se mènent les entreprises pour pouvoir étendre leur part de marché juste pour pouvoir maintenir leur production. Ce système, il est plus viable. Et même s'il y a des gens bien qui défendent ce système, des gens de bonne foi, il est plus viable. Pour l'écrasante majorité des individus, y compris pour les petits patrons, il est pas viable. Genre, tu dis, à t'entendre, genre, on peut monter une entreprise comme ça. Moi, je rappelle juste quand même aujourd'hui hein, qu'en France, la durée de vie moyenne d'une entreprise, c'est 5 ans. Donc, il y a énormément d'entreprises qui se créent, mais pour une moyenne de 5 ans. Donc, quand on dit aux pauvres ou quand on dit aux travailleurs, bah, si vous n'êtes pas content de vos conditions de vie et de travail, vous sortez, vous créez votre boîte comme ça et ça ira mieux pour vous, c'est un mensonge. Parce qu'aujourd'hui, les structures économiques et sociales, notamment la concurrence à outrance, ne permet pas justement aux gens qui ont des idées de les développer et de les créer dans un cadre serein. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il est important de tabler sur une force sociale qui représente quand même la majorité de la population et qui est au cœur de la production pour transformer radicalement la société et construire une société qui serait plus viable pour tous et qui permette de croire en un avenir pour l'humanité. Voilà. Juste ça. Oui, vas-y. Je voulais donc juste dire... Encore une fois, je pense que c'est super intéressant et important ce que vous dites. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de personnes à qui ça ne parle pas. Mais pour que ça parle aux gens, il faut aussi qu'il y ait un changement d'idéologie dans la société. Et il faut déconstruire certains discours. Par rapport à la misère, pour revenir un peu à la misère, on entend souvent, par exemple, des parents qui vont dire à leurs enfants « Travaille à l'école, sinon tu vas finir comme lui qui est à la rue, ou sinon tu vas finir comme lui qui balaye, ou elle qui est caissière. » Ce qu'il faudrait, c'est déconstruire ce discours-là et que les parents commencent à dire à leurs enfants « Travaille à l'école, parce que ça, c'est pas normal, et ça doit être changé. » Il faut que... Parce que les gens, ça leur... Il y a de l'égoïsme. En fait, il faut d'abord commencer par détruire l'égoïsme pour qu'il y ait de l'empathie, que les personnes puissent se mettre à la place de l'autre, qu'ils puissent comprendre du coup la mentalité des salariés. Parce que tant qu'il n'y aura pas cette empathie-là, ça sera les uns contre les autres et chacun qui tire la couverture. C'est ce que je pense. Alors juste, j'ai quelqu'un qui va dire un point technique et j'ai après trois tours de parole et du coup je pense qu'on va s'arrêter là ensuite parce qu'en plus, chaque fois c'est assez bien développé. Voilà. Mais attends, oui, on va en reparler après, t'inquiète, mais je les laisserai conclure de toute façon après. Voilà, donc je viens de recevoir des informations de la manif pour tous et des violences qu'ont subi la contre-manifestation, à savoir ils ont été attaqués par les CRS et par le service d'ordre de la manifestation aussi. Donc il y a eu des gens qui ont été mis à terre. Concrètement, les homosexuels n'ont pas le droit d'être sur la voie publique en présence de la manif pour tous. De ce fait, il y a une partie des gens de Nuit Debout et d'autres qui sont là-bas donc dans la contre-manifestation, certains qui sont nassés, d'autres qui les rejoignent et ils nous appellent à y aller. Et en gros, sur l'idée, c'est très bien de faire des débats, mais là il y a une action, donc c'est à Iéna, avenue Kléber. Oui, mais enfin là il y a des gens qui, en manifestant, empêchent des gens de manifester. Donc voilà, c'était une information, en même temps un appel à l'action. Maintenant, évidemment, que je suis très content que le débat se termine correctement ici. De toute façon, vous aviez prévu de conclure à 19h, donc on est sur la fin. Donc mettez ça, vous êtes au courant maintenant. Et puis s'il y en a qui veulent partir grouper, qui viennent me voir ou qui se retrouvent, je ne sais pas moi, devant le métro à la fin du débat. Voilà, et comme ça, ce serait bien qu'il y ait une contribution pour ceux qui se sentent solidaires et qui ont envie de le concrétiser, qui ont les moyens d'y aller. Ça prend une demi-heure en métro. Merci. Mais effectivement, on a entendu ton appel. Comme on va bientôt finir, autant peut-être finir voilà, tranquillement le débat. C'était Ulysse, après c'est à toi, et après j'ai un dernier tour là-bas. Bon, je reviens un peu en arrière. Orphi, c'est Orphi, hein? Orphi a fait une proposition, c'est-à-dire attirer l'attention que c'est bien de débattre, mais serait aussi bien de trouver la solution pour fédérer les mouvements. Et là, je m'adresse, c'est un peu dommage parce que nous avons attendu trop de temps, aux gens qui sont des passages. Il faut venir et soutenir les mouvements. Parce que la solution à venir, ce sera l'ensemble du peuple. Le peuple a le pouvoir et il peut. Donc il suffirait de trouver un argument, une idée fédératrice et l'opposer au système. Par exemple, j'avais proposé, on est en train, le système est en train, sans vouloir juger, en train de détruire les travails, c'est-à-dire les travails où il y a la relation humaine. En principe, sur les lieux de travail, les gens se rencontrent et c'est là le tissu social et c'est là que l'homme s'est construit, l'individu et les citadins et les citoyens. Donc, la tendance actuellement est, avec la technologie bien avancée, de détruire complètement la relation, donc détruire surtout les travails. Par exemple, les travails de la réponse au téléphone, la réponse vocale, et qui vous balade à droite à gauche, et vous n'avez pas dell'autre côté la personne agréable, une voix humaine, disons, qui puisse vous répondre directement. C'est qu'un exemple. Mais avec l'automatisme qui se développe, les travails manuels, les travails en tant que travailleurs, va disparaître. È la tendance. Je ne crois pas que sera réalisé ce rêve des gens qui pensent que la technologie va résoudre tous les problèmes de l'homme. Non, mais il faut réagir et à un certain moment, il faudrait que les droits au travail sur lesquels, en principe, la Constitution attire l'attention, la République est fondée aussi sur le travail. Et si on supprime le travail, on supprime les droits au travail. Évidemment, on peut dire les travails à la maison, les travails par-ci, les travails par-là, les travails délocalisés complètement. Il y a des choses qu'on peut essayer de sauver, de sauvegarder et de reprendre les choses en main. C'est essentiel pour la vie de la société. Et alors, si ce motif-là, cet argument-là, est fédérateur et qu'on les porte en France d'abord, mais même en Europe, parce que les problèmes, c'est partout les mêmes. Les travailleurs, les travailleurs, les ouvriers, ce sont des espèces en voie de disparition. Donc il faut réagir et demander aux États d'interdire, de mettre dans la Constitution que le travail va maintenu, va développé, et à l'origine du travail, la créativité, et la créativité, ça nous reporte à l'éducation, etc. Donc ne nous laissons pas faire et essayons d'être ensemble sur quelque chose de précis, après le reste viendra. Mais si on est déjà ensemble sur le motif, ça sera plus facile. Et je parle à tout le monde. Quand vous passez par là, donnez force au mouvement, parce que ce mouvement se présente un peu hors du système, pour pouvoir recomposer la société, qui soit sur l'objectif et non pas sur l'opposition. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Merci. Donc juste, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que tu parlais d'éducation tout à l'heure, tu parlais d'école, et justement, tu as parlé d'école. Tu as parlé à l'école, on doit... Voilà. J'ai parlé d'un discours de la société, j'ai parlé des parents. On voit des parents qui disent à leurs enfants « Travaille à l'école pour ne pas finir comme cette personne qui est à la rue. » Donc je parle de l'éducation, de la société, de la famille, etc. Justement, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Mais d'abord, je voudrais rebondir sur ce que disait Malanjo. Il parlait de la religion. Déjà, la première éducation, parce qu'on parle d'éducation, la première éducation, c'est la religion. Par exemple, les gens qui sont dans un milieu religieux. Et justement, la religion, qu'est-ce qu'elle t'apprend ? Elle t'apprend à souffrir. Tu dois être sur la terre pour souffrir. Et dans la mort, tu auras le paradis. Et ce n'est pas pour rien que les politiques, ils aiment bien la religion. Voilà. Par exemple, dans le Nouveau Testament, rends à César ce qui appartient à César, rend à Dieu ce qui appartient à Dieu. Essayez de comprendre ce que ça veut dire et vous comprendrez pourquoi Constantin, au IVe siècle, a mis le christianisme comme religion d'État, ce qui fait que toute l'Europe a été chrétienne par la suite. C'est l'éducation, c'est pareil. T'apprends à te soumettre. C'est pas pour rien que les politiques ils sont OK avec les religions. Voilà, c'est juste une petite remarque que je faisais pour rebondir sur ce que disait Malanjo. Non, je parle pas sur ce que tu dis. Donc maintenant, j'arrive à ce que tu dis. Les parents, ils disent, travaille bien à l'école, etc., etc. Le problème, c'est qu'à l'école, dès le tout jeune âge, il y a les notes. Les notes, qu'est-ce que ça t'apprend les notes? Ça t'apprend à te mettre dans la concurrence sauvage. Ça t'apprend à, justement, ça t'apprend à ne pas partager. Tu dis, il faut pas que tu copies sur la copie de ton voisin. Voilà ce que ça t'apprend les notes. Et à l'école, dès le plus jeune âge, on t'apprend à ne pas partager justement et à être dans la concurrence sauvage avec les notes justement. Et on t'apprend que t'es nul. Et c'est comme ça que tu peux terminer aussi à la rue et vraiment croire que t'es nul parce qu'on t'a mis des mauvaises notes depuis que t'es tout jeune alors qu'il y a personne qui est nul, ça n'existe pas. Donc ensuite, tu parlais du temps, il parlait de la technologie. Ouais, la technologie, c'est génial. Mais justement, s'il n'y a pas une prise de conscience collective, pour lutter contre ceux qui détiennent le pouvoir, eh ben, la technologie, ce que ça va donner, c'est que ça va donner de moins en moins de travail, puisque tout va être de plus en plus automatisé, donc il y aura encore moins de travail, et il y aura encore plus de gens qui vont se retrouver à la rue si on lutte pas. Parce qu'en fait, l'idée, ce serait de partager, comme tu le soulignais tout à l'heure, et c'était une très bonne idée, et c'est très bien justement, parce que vous faites pas simplement d'aider les gens, excusez-moi. C'est super important hein, d'aider les gens, mais ce qui est bien aussi, c'est que vous réfléchissez sur les causes, pas simplement que sur les conséquences des gens qui se retrouvent à la rue. Et justement, le partage du temps de travail, c'est vachement important. S'il n'y a pas une lutte pour dégager les salopards qui tiennent le pouvoir, le partage du temps de travail, c'est quoi ? Ça, il n'y aura pas de partage du temps de travail, il y aura des gens qui travailleront et les autres qui seront à la rue. Voilà, c'est ça le gros problème. Voilà, c'est tout, je voulais rebondir. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que Khaled, je te réponds. Du coup, ce qui me dérange un peu, c'est que tu prends un mot dans ce que j'ai dit et tu prends pas le fond de ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il faut changer la mentalité de la société et sortir. Je pense que pour que votre discours, que je ne connais pas, c'est pas que je dis votre discours parce que moi, je m'y connais pas assez en économie. Mais pour que le discours de la lutte des classes soit audible, il faut que les gens puissent se mettre à la place les uns des autres. Donc il faut sortir de l'égoïsme. Lorsqu'il y a des parents qui disent à leurs enfants « travaille à l'école » ou « réussis dans la vie pour ne pas finir comme lui », c'est pour moi de l'égoïsme. Le discours, il devrait changer. Les parents devraient dire à leurs enfants, même si l'école, on peut être très critique, mais c'est un autre débat. Les parents devraient au moins dire à leurs enfants « travaille à l'école » parce que c'est pas normal. L'exploitation, c'est pas normal. Les gens qui sont dans la rue, c'est pas normal. Donc si tu dois travailler à l'école, c'est pas pour ne pas finir comme eux, c'est pour essayer de changer cette situation et de dire non à cette injustice. Voilà. Et c'est ça qui doit changer et il faut que ce soit ancré dans la société. Et c'est à partir de là qu'on pourra se mettre à la place les uns des autres et peut-être arriver à s'unir et à détruire un peu ce système injuste. Du coup, je vais prendre le dernier tour de parole et je vous laisserai conclure. Oui, Obanjo, c'est vers vous que je me dirige. Je trouve que vous faites fausse route. Allô ? Oui. Ça va aller. Quelque part, c'est indigne de vous quand je vous entends quelquefois parler. Permettez ma franchise. Vous n'avez pas à juger les personnes selon ce qu'ils sont, s'ils sont athées ou religieux ou tel ou tel. Laissez-moi finir. Ici, nous ne sommes pas, et je trouve regrettable, qu'on puisse parler de tel ou tel parce qu'il est comme ça, il est comme ça. Ça reviendrait à dire quoi ? Qu'un médecin devant un malade ou un mourant, il va lui demander sa pièce d'identité, qui il est pour pouvoir le soigner. C'est une idée complètement idiote, passez-moi l'expression. Vous êtes en train de... Vous avez dit tel est musulman. Si je parle de l'islam, ça ne veut pas dire... Vous ne savez pas si je suis musulman ou pas. Si je parle de l'islam, parce qu'aujourd'hui, il crée l'actualité. Et qu'on le défigure en tant que philosophie ou quelque chose comme ça. Non, mais que vous croyez ou vous ne croyez pas, ça m'importe. Moi, je ne vous juge pas comme ça. Je vous juge en tant qu'homme. Est-ce que vous êtes capable de vous entendre avec moi et de mettre de côté les choses qui nous divisent et pour atteindre le but qui nous est assumé. Et ça, vous n'avez pas compris ce message, je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes en train de parler, votre mère, vous êtes athée et tout. Ça vous regarde, c'est quelque chose de personnel. Ici, chacun parle pour soi et il se présente pas en étant tel ou tel. Je fais une parenthèse, vous défendez un certain patronat. Je suis d'accord qu'il y a des patrons tout à fait chouettes. Mais je vous rappelle, ce sont les multinationales qui pillent l'Afrique. Et c'est pas d'hier, ça fait des siècles. Alors vous venez un peu vous en prendre à monsieur tel ou monsieur citoyen qui, lui, peut avoir quelque chose d'un pourcentage tout à fait infime, mais qui est simplement le seul défaut qu'il a, c'est qu'il vit dans ce pays-là. Et vous vous trompez. Il y a le pouvoir qui crée une politique agressive, raciste, partiale, sociale, tout ce que vous voulez. Il y a le citoyen qui peut-être n'est pas suffisamment informé pour pouvoir être un petit passé à côté un petit peu de quelqu'un qui souffre ou qui pense différemment et qui a la peur à travers la télévision, le message qu'on fait passer à la télévision. Créer une tension, une peur pour que l'autre ne va pas parler à l'autre, pour que l'autre ne reconnaisse pas l'autre. Et c'est ça le problème. Et si vous écoutez les politiques, on va vers une guerre civile. Et je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis absolument opposé à ce que vous dites. Vous êtes en train de défendre l'Afrique qui souffre, et je partage ce point de vue, et vous êtes en train de mélanger l'islam, ceci, cela. L'islam, si j'en parle à l'islam, comme autant que je parle de la Palestine, quelque chose qui est inconvenable et qui n'est acceptable. C'est pas parce que je parle en tant que musulman, vous ne savez pas qui je suis, je parle simplement en tant qu'être humain, il est inacceptable d'accepter une injustice d'un peuple qui est en train de disparaître. Comme pour d'autres choses. Alors vous êtes très loin d'un certain nombre de choses et je vous demande simplement, pour la correction de tout le monde et le respect de nous tous, parce qu'on se respecte, ayez s'il vous plaît la modération du langage et approfondissez un petit peu vos idées. Non, je suis désolé, je suis obligé de pas te laisser de répondre. Franchement, t'as eu trop de temps de parole. J'ai déjà dit trois fois que c'était le dernier tour de parole, Manon Jo, je suis désolé, je te connais, j'ai dit qu'ils allaient conclure, voilà. Ouais, je pense que vous... Non, mais par contre, je vous encourage vivement à... Non, mais... Manon Jo, je vous encourage à parler entre vous, et voilà, à échanger. Ça va partir dans le dialogue, on sait très bien, donc voilà. Gare, tu vois, t'es en train de faire fuir les gens, donc s'il te plaît, si tu peux... Non, je ne suis pas obligé de te laisser la parole, s'il te plaît. On a dit plusieurs fois que c'était les trois derniers tours de parole. Tu as parlé trois fois ce soir, donc s'il te plaît. Aussi, laissez les intervenants. En fait, c'est juste les intervenants. Si vous voulez, hein. C'est... Donc voilà. Ouais, mais non, mais c'est... Bon, mais je peux te laisser conclure du coup. Ouais. Merci beaucoup. Je sais pas trop conclure. Bah ouais, bon, bah, pour conclure, on peut résumer que. Il y a des actions individuelles à mener contre la misère, des actions quotidiennes, des actions de lutte hein, que mène le DAM, que nous on mène à travers nos maraudes. Il y a plein d'organisations sur qui on peut prendre exemple pour mener des actions quotidiennes. Mais c'est aussi important de mener justement une réflexion collective, justement pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui fabrique cette misère, essayer de réfléchir ensemble comment on pourrait transformer la société pour rendre la vie de tous meilleurs et abolir la misère. Voilà. Enfin, je pense qu'en conclusion, c'est l'essentiel de ce qu'on a à dire. Je sais pas si... ouais. Pour conclure, on a beaucoup parlé d'unité quand même ce soir. Ça serait bien qu'on finisse sur cette note et voilà. Et merci à vous tous pour vos interventions et de nous avoir appris beaucoup de choses et voilà. C'est... Merci à vous en tout cas, merci beaucoup pour l'intervention. Voilà. C'est franchement, on fait l'expérience très souvent, ça va faire un dialogue entre deux et ça peut partir pendant une heure, je vois vraiment pas l'intérêt. Voilà. Ils peuvent discuter entre eux, on n'a pas besoin du micro pour ça, je pense. Voilà. Voilà. Donc, il faut quand même que vous soyez au courant des batailles qui se passent actuellement. Plutôt que de vous emmerder avec des conneries, hein. Donc il y a les fachos parisiens qui sont en train de préparer une chasse aux gays et aux antifas. Ils sont juste derrière la nasse à Kléber. Donc c'est tout à fait en train de se développer et de partir mal. Et il y a un appel à ce que tout le monde aille au Trocadéro.